Donc, aujourd'hui, ça va être un petit podcast parce qu'on va faire l'analyse d'une nouvelle littéraire, c'est-à-dire la nouvelle littéraire Menace cachée. Et une fois de plus, je suis avec mes deux comparses, Marc et Jean de Star Wars en direct. Jean, c'est là que tu peux montrer ton logo pour faire plaisir à Danny. Ah, c'est le même t-shirt, tu vois, pour ceux qui. Ouais, Non. on dirait que tu as le même t-shirt que le dernier C'est la enregistrement. même. Ah oui, non, mais. Jean, on dirait, Marc, on dirait que tu as la même chemise, c'est bizarre, non? c'est ça. Donc, comme d'habitude, avant de se plonger, on va prendre le temps de saluer Dominique de Star Wars en direct, qui fait des très bonnes vidéos sur les objets de collection, les sabres, les casques et les bustes. On va laisser Jean nous parler de Star Wars en direct pour ceux qui ne connaîtraient pas ça. Je crois que ce serait surprenant parce que ça fait quasiment 25 ans qu'ils font des podcasts. Oui, 25 ans déjà. Ben, Star Wars en direct, toujours pareil, toujours des podcasts passionnants et passionnés sur l'univers Star Wars en général, donc littérature, mais pas que. Voilà, sur les séries, sur des films, sur des collections, sur des jeux vidéo, sur tout ce que là, voilà, ben, tu me diras, cette émission, elle est enregistrée bien après Noël, enfin, elle sera diffusée bien après Noël, mais elle est enregistrée juste avant. Et on avait une émission justement spéciale Noël. Ce serait un petit peu tard pour les achats maintenant, mais voilà, c'est le genre d'émission qu'on fait de temps en temps. Des émissions thématiques aussi, de temps en temps. Donc voilà, Des Star Wars en entrevues direct. aussi. C'est vrai, des entrevues, là, en fin d'année dernière, 2025, on a eu, donc, c'est pas évident de se projeter dans le Il y futur. a longtemps. On a juste, ben, on a eu une superbe entrevue, sûrement, parce qu'elle n'est toujours pas diffusée au moment où on enregistre, de Sylvain qui s'est entretenu avec, ben, tu vas en parler sûrement après, mais avec Lucide Galliot de chez Pocket, justement, pour Oh, la discuter de la chanceuse. sortie, ouais, pour discuter de la sortie du roman qui sortit en fin d'année dernière aussi, en France, Le Dernier Ordre de OK. Kwame Mbalia. Donc voilà. Et sinon, ça revient en direct les dernières émissions qu'on a. Donc je sais pas encore une fois quand est-ce qu'on sera diffusé, mais disons que là, on est sûr d'avoir enregistré le Master of Evil, le fameux roman sur Dark Vador qui est sorti en fin d'année dernière. Voilà, un roman sur canon sur Dark Vador, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment déjà. Dark Vador, on le connaissait souvent en comics, mais en roman, depuis les quoi? C'est Lord of the Sith là, de Kemp là, de 2015, ça date déjà. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu de roman de Dark Vador, donc ça fait plaisir. Ah, puis la page Non, couverture est superbe, hein, sérieux, là. oh, ouais. J'ai vraiment aimé. C'est un Français, l'artiste. Ben, écoutez Ah l'émission Star Wars en direct. Voilà. On vous oui? dévoile tout sur l'émission Star Wars en direct, Master of Evil. Et puis on parlera de l'artiste Oui. français Si on qui a. dévoile tout, vu que ça va être diffusé au mois d'avril, ça veut dire on vous a tout On dévoilé. vous a Vous tout dévoilé, effectivement. pourriez pas. Marc, vas-y, tu allais Ouf. dire quelque chose? Non, pas. Et il va sûrement avoir un épisode sur un roman qu'on n'est même pas encore au courant hein, qui va sortir. Oui, c'est C'est vrai. clair. C'est sûrement vrai. Ouais. Donc c'est ça. Fait que, ben là, on va passer à la phase, à la partie de description technique par notre spécialiste Marc. Vas-y, on t'écoute. Parfait. Donc, on parle de la nouvelle menace cachée qui s'appelle Hidden Danger en version originale anglaise. La nouvelle, comme les autres, ont été faites en deux parties, dans Star Wars Insider 2003, 203 et 204, sorti le 22 juin et le 10 août 2021 en version originale. C'est la troisième nouvelle de la série Le Flambeau, on disait trois nouvelles, mais dans le fond, il y a cinq nouvelles de cette série. Et pour une raison qu'on ignore, elle n'a jamais été publiée officiellement en français, contrairement aux deux premières. Est-ce que c'est un oubli? On ne sait pas, c'est un mystère. Pourtant, pratiquement tout autre public a été priorisé par Oui. Panini et par les éditeurs français, mais ces nouvelles-là ont été oubliées. On en parler, mais c'est vrai que c'est une nouvelle qui a été diffusée, qui a été publiée bien plus tard. Et comme c'est, on lui rend une préquelle au roman de Cavan Scott, on était en plein dans la vague 2 de la phase 1. J'imagine que les équipes de Pocket étaient ultra occupées à traduire des romans là, en pagaille. Ouais, qu'ils ont laissé les nouvelles non traduites, je sais pas. C'est un truc à demander à Lucille, encore une fois. Oui. Et cette nouvelle-là est en 231. Avant Bataille de Yavin, donc un peu plus tard. Et les personnes qui sont responsables de cette création, L'auteur est Justine Ireland. Justine Ireland est une... on l'a vu dans quelques romans juniors comme Lando's Luck, Sparks of the Resistance dans Rebelle. Le roman début de Rebelle. The Acolyte de Whittaker. Puis elle travaille aussi sur plusieurs productions dans la Haute République, autant en roman qu'en BD qu'en manga. Ouais, et manga. Comme les deux premiers auteurs, Kevin Scott et Charles Soule, elle fait partie des cinq auteurs qui ont participé à la création de l'univers de la Haute République. Et l'illustrateur, comme les deux autres nouvelles, est Louis Demartini, spécialisé dans l'univers Star Trek. Et cette fois-là, il n'y aura pas de traductrice parce que il n'y a pas été traduit. Hey, mais question comme ça, avant de poursuivre, Justine ou Justina Ireland, c'est ça? Yes. Justine Ireland. Je me demandais si j'avais lu dessus. Est-ce que tu as écrit une des deux BD qu'on a déjà fait un podcast dessus, là, soit... Non, mais toi, tu as lu... Soit les aventures. Tu as lu une œuvre d'elle. Non, ce n'est pas une BD, mais tu as lu le roman en jeunesse de Justine Ireland. Le roman Bibliothèque verte. Ah, une épreuve de courage? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est OK, ça. OK. Ah, ouais, ah bon, c'est bon. Oui, j'avais bien aimé, justement, oui. OK. OK, c'est bon. Fait que j'ai déjà lu d'elle, là. Parfait. Alors, l'ami Jean qui a tout le temps des petites infos à ajouter, tu l'as-tu rebondi sur ce que Marc... Encore une fois, Justine Ireland, on le verra tout le long de la revue de la Haute République, c'est une autrice, comme elle fait passer des cinq piliers des auteurs-autrices qui participent, avec qui a plus Claudia Gray et Daniel Roséholder, voilà, qu'on n'aura pas nommé avec des nouvelles. Mais ouais, Justine Ireland qui a fait deux des nouvelles de, tu parlais du recueil là. Donc ça, c'est des nouvelles qui sont toutes regroupées dans le recueil Starlight Stories, disponible qu'en VO malheureusement et même pas à l'audio. Et Justine Ireland en aura fait deux, si j'ai pas de bêtises, dont Se Menace Cachée et une suivante. Et Kevin Scott en a fait deux et Charles Soule en a fait une. Donc voilà, ça fait cinq nouvelles dans le recueil. Et c'est rigolo ce recueil-là, parce que t'as cinq nouvelles, donc c'est pas bien long. Donc pour compenser un petit peu le trop faible nombre de pages en VO, ils ont complété le recueil d'interviews. Donc t'as plein d'interviews, notamment de personnes qui ont participé à l'Insider. C'est des collaborateurs du magazine Star Wars Insider qui ont des petites interviews comme ça qui viennent... Ils viennent compléter ce recueil de nouvelles que malheureusement on n'a pas en français. Quoi. Ah, c'était ma prochaine question. Ça s'appelle Starlight Stories. C'est ça, c'est ça. Peut-être que notre ami Francis un jour le traduira bénévolement, comme il a fait pour le deuxième recueil. Oui, c'était vraiment très sympathique de sa part. Là. Ça nous permet de lire des très très bonnes nouvelles. Okay. Donc, c'était la partie description technique. Donc, maintenant, on va aviser nos auditeurs qu'on va tomber dans la partie spoiler, car notre spécialiste des résumés avec spoiler, qui se sous-estime, qui dit que non, il n'est pas bon, mais c'est pas vrai, il est très bon, va faire. À toi la parole, Jean. OK, ben vous allez juger, on va essayer. Donc, là, on l'a dit chronologiquement, on se passe un peu avant la République Faire de Valo. C'est quoi le titre français de la République Faire? La foire. La foire, voilà. Ben voilà. La foire de la République de Valo, qu'on aura dans le roman de Kevin Scott, donc L'Orage Gronde, qui est donc la vague 2 de la phase 1 de la Haute République. Vous suivez encore, là. Ça va? Donc on se passe un petit peu avant ça. Oui. Et donc, tu l'as dit, Marc, on est un an environ après l'introduction de Velko Jaehn et Gal Tarpfen, qu'on avait découvert déjà dans la nouvelle précédente de Kevin Scott. Et on est aussi après l'assaut des Drengir sur la station. Donc ça qu'on a lu et vu dans le comics La Haute République de Kevin Scott. On se rappelle, tu sais, quand les Jedi ramenaient ce Hutt mort qu'ils avaient trouvé dans un vaisseau du clan Hutt, ben, il était infecté par des Drengir, et les Drengir s'étaient échappés de son corps et avaient commencé à foutre le bazar dans la station. Donc on se passe après ça, parce qu'il y a des mentions de cet événement-là. Ouais. Et donc on va retrouver nos deux héroïnes, Velko et Gal, donc toutes les deux toujours sur le flambeau stellaire, qui tentent d'empêcher une bagarre générale. Petit flashback, là, vite fait, de la veille. Donc, voilà, le roman, la nouvelle commence comme ça. Donc, elle fonce, il y a une urgence. Et puis, bam, le chapitre ou le paragraphe suivant, c'est ce qui s'est passé la veille pour en arriver à cette situation-là. Oui, Et donc la exactement. veille, voilà. On voit donc l'organisation de la réunion annuelle de l'Alliance agricole galactique par ben, notamment Velko, et c'est elle qui organise tout ça. Toujours une grande professionnelle, Velko, elle va s'assurer ben, que tout sera pas parfaitement organisé pour l'événement. Elle va aussi remarquer une jeune fille là, qui transporte un grand pot de vigne. Bizarre, parce qu'évidemment, dans la salle à manger, là où tous les membres de l'Alliance agricole, ils ont foutu plein de plantes, vu que c'est des, ben, c'est des scientifiques et des universitaires qui sont branchés, tout ce qui est agricole, tout ce qui est plantes et tout ça, végétal. Et donc, elle voit donc cette jeune fille qui transporte un grand pot de vigne. Alors, nous, évidemment, on est lecteurs, on est un petit peu omniscient, et Velko l'est aussi un petit peu, dans l'univers, in-universe d'ailleurs. On pense tous au Drengir. Tu vois. On se dit, ah, Oui. elle est en train d'introduire un Drengir là, et ça va être le bazar. Mais on va voir que la fille va se présenter à Velko, et que c'est une jeune fille très sympathique, du nom de Avon Staros. Voilà. Donc là encore, si vous avez lu l'épreuve de courage de Justin Harland, vous connaissez un petit peu qui est ce personnage d'Avon Staros, et c'est en aucun cas un personnage, un antagoniste ou quelque chose. Non, c'est C'est quelqu'un de ça. très, c'est quelqu'un de très bon, c'est un gentil. Ouais. Et donc, Velko va rejoindre Gal au centre administratif. Les deux vont spotter une bagarre entre un Nitorien et un Amani. Et Gal va les immobiliser avec une espèce comment t'appelles ça? De rayon paralysant, de rayon. Comment t'appelles ça? C'est sur Excusez-moi, Blaster, le t'as deux rayon modes. présent, ouais, c'est Le le rayon paralysant. rayon présent qu'on voit dans Un nouvel espoir quand que Voilà. Léa se fait assommer, là. Exactement. Donc voilà. Donc elle va immobiliser les deux, donc le Littorien et la Mani, ils vont être transportés au centre médical. Peu après ça, Estella Maru va annoncer qu'une émeute se déroule dans la salle à manger, là où Avon avait transporté des vignes. Donc évidemment, Velko va penser au Drengir, nous aussi d'ailleurs. Mais non, en fait, alors déjà, c'est pas vraiment une émeute, c'est juste une grosse mêleuse, là, une grosse mêlée où des gens se foutent un peu sur la gueule. Mais bon, c'est pas si grave que ça, c'est juste surprenant de voir des scientifiques, parce qu'il se trouve que c'est que les scientifiques de l'Alliance agricole qui se foutent sur la gueule. Gal va demander à un droïde de sécurité de calmer la foule. Donc il va asperger les scientifiques d'une espèce de mousse soporifique qui va les endormir. Ils vont être transportés là aussi au centre médical. Et là, le docteur Ginol, là, l'espèce d'anaconda là, géant, va faire des analyses. Entre-temps, Gal et Velko vont interroger les deux premiers patients, Lamani et Littorien, qui ne se rappellent de rien. Et on découvre aussi d'ailleurs qu'ils sont de très bons amis, donc c'est quand même bizarre quoi, qu'ils se sont arrivés jusqu'à se battre. Velko C'est et des Gal grands vont. chercheurs, des grands chargés. Tu vois, c'est des grands scientifiques, là. Oui, c'est Aucun ça. C'est rapport. des non-violents à la base qui se mettent à taper les gens. Velko et Gal vont vite faire le lien avec la fameuse vigne apportée par Avon Staros, qui a bien grandi depuis la veille. La vigne, pas Avon Staros. Avon Staros va avoir toujours la même taille, mais la vigne, elle a bien grandi, les fleurs ont bourgeonné, tout ça. Excuse-moi de toucher ta blague. C'est en fait en lisant ce que j'avais écrit, je me suis dit, attends, ça peut porter à confusion, mais qui a OK. bien grandi, c'est la plante, Et effectivement. non, Avon. Et non, Avon. Et donc la plante qui s'avère être une hybride entre une fleur de Johto, ils appellent ça, et une souche de Dhangir, créée par une scientifique du nom de Glenna Keep, et qui donne des hallucinations à ceux qui la respirent un peu trop près, quoi. Et Velko va d'ailleurs en faire l'expérience, parce qu'elle va avoir une hallucination. Elle va voir des Drengir, puis elle va se retrouver durant la guerre civile de Soika et va revivre un petit peu la mort de sa capitaine lors de la bataille de la guerre civile de Soika. Et dans l'hallucination, elle va se mettre à taper aussi des gens qu'elle pense être des personnes réelles, mais en fait, elle va accidentellement frapper Gal. Quand elle reviendra à ses esprits, voilà, l'explication de la scientifique Glenna Keep frustre quand même bien Velko, et hein, Velko est un peu vénère d'avoir eu cette hallucination. Elle apprend l'implication d'une souche de Drengir aussi, donc là aussi Velko elle est un petit peu énervée. Avon, sous l'ordre de Glenna Keep, on apprend qu'Avon était un petit peu la pupille de Glenna Keep, va détruire la vigne avec du sel, et tout est bien qui finit bien, avec même Velko et Gal qui vont aller se rabibocher en allant boire un verre pour se remettre de leurs émotions, quoi. Voilà un petit peu le résumé. Un gros merci pour ce très bon résumé, c'est très apprécié. Donc, on va laisser la parole à Marc pour débuter l'analyse et la critique. Marc, c'est à toi. Cette nouvelle-là, contrairement aux deux autres, j'ai trouvé la nouvelle un peu plus jeune, peut-être dans la façon que c'est écrit. J'ai pas trouvé la même qualité que les deux autres nouvelles. Il se passe moins de choses. Il n'y a pas énormément de suspense non plus. Là, oui, à part l'intérêt de Drungir, peut-être que quand tu sais toute la ravage qui est créée, puis il pourrait avoir un innocent quelque part qui a amené un Drungir sur le flambeau. Mais dans le fond, je n'ai pas trouvé que c'était intéressant, on peut dire. J'ai trouvé ça jeune. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai trouvé que c'était pas aussi fini ou profond ou complet que les deux autres nouvelles. C'est peut-être les deux autres nouvelles qui étaient excellentes, mais en tout cas, j'étais un peu déçu. C'est intéressant parce que justement, l'autrice du Cynar Island, elle a fait quasiment, alors tu l'as dit, elle a fait beaucoup de livres avant la Haute République qui étaient tous des romans jeunesse. Puis elle a fait tout ce qu'elle a fait dans la Haute République, notamment le test de courage, tu l'as dit, une épreuve de courage, mais plus tard aussi, c'est quasiment que du jeunesse ou du young adulte. Je crois qu'elle a Merci. rarement fait quelque chose de C'est une nouvelle d'adulte. jeunesse. Ouais. Mais voilà, c'est plus une nouvelle jeunesse. Maintenant que tu le dis, ça fait sens, quoi. Parce qu'à part le Cheminante, le Whiteseeker qu'elle a écrit récemment, là. Qui est lui adulte, ouais, tout le reste, ouais, je regarde là, tac tac tac, ouais, young adulte, jeunesse, jeunesse, jeunesse. Même, ah oui, il y a peut-être le comics, mais le comics Sanastaros qui est un peu, ouais, adulte vite fait, quoi. Enfin, pour moi, le comics c'est tout public, donc bon, mais ouais, ça fait sens de se dire ça. Je suis un peu d'accord avec Marc. Moi, c'est surtout la fin que j'ai trouvé que c'était simpliste. Oui, Si on la parle de ça, résolution. là, c'est moi qui ai fait des expériences avec des parties des Drengear. Fait que là, quelqu'un qui dit ah, mais t'as pas pensé qu'une personne mal intentionnée pourrait faire pareil. Non, non, c'était impossible. Je me souviens plus la raison, mais tu sais, il y avait trop de raccourcis. T'sais, au lieu de pouvoir un peu s'étaler sur le sujet, non, non, c'est impossible à cause de ça. C'était tout de suite des petits raccourcis faciles pour mettre fin à ça. Je pense que ça, j'ai pas. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de raccourcis faciles. On n'était pas au niveau de Charles Soule et Kevin Scott, là. Je sais pas si tu veux continuer là-dessus, là, Jean, là, Ben qui a non, un non, ben peu non, ben pour compris. rebondir un petit peu sur ce que tu disais, ah, j'ai quand même bien apprécié, moi, la lecture de cette nouvelle-là. J'ai juste été déçu par deux trucs. Alors, déjà, ben moi, je pensais vraiment que la menace allait être les Drengir. En plus, quand on voit la miniature de la deuxième partie, tu te dis que tiens, on va avoir les Drengir encore une fois infester la station. Au final, non, pas vraiment. Et même quand le. Alors, c'est une idée que j'avais qui a été de suite annulée. C'est quand Velko spot la jeune fille. Qui veut introduire, alors ce que nous on pense être une Drengir dans le tas, dans la Réunion. Et là je me dis, ah, c'est peut-être la. Je ne vais pas dire qui c'est exactement, mais Nan. Tu te rappelles de Nan, c'est une personnage du roman de Claudia Gray là, qui s'appelle Oui, oui, oui, En pleine ténèbres. en plein ténèbres, oui, Voilà. la Nihil, oui. Ah voilà, bah bon, bah, on y va donc. Donc c'est voilà, une île, mais qu'on ne pense pas être une île à la base. Et je dis, il y aura le même genre de personnage, ou encore mieux, ça aurait été elle. Mais non, juste après, donc, on voit que c'est Avan Staros. Et Avan Staros, pareil, là, bah, c'est à contre-courant. C'est genre, si tu découvres cette nouvelle au début de la Haute République, tu auras peut-être ce sentiment-là. Et moi, comme je te la lis une fois avoir terminé toute la Haute République, bah, là, le fait d'avoir Avan Staros ici, ça m'a fait super plaisir, parce qu'encore une fois, c'est un personnage qui Ouais, a moi aussi. bien développé par la suite, qu'on avait déjà un peu découvert dans une épreuve de courage, déjà, Mais et que là, qui continue, et donc qui est lié à Sanastaros aussi, c'est un peu l'aïeul de Sanastaros. Sanastaros, qui est la personnage de la trilogie originale, enfin, du moins, elle est présente dans des œuvres de la trilogie originale, qui se marie à Han Solo un petit moment, dans la série de comics. Voilà. Sanastaros. Sana Astaros, voilà. Donc c'est ça, c'est toutes les liens qu'ils font avec les œuvres. C'est ça que j'aime bien en Justin Ireland, c'est peut-être pas la meilleure écrivaine quand tu la compares à du Claudia Gray ou du Kevin Scott ou de Charles Soule, mais je trouve qu'elle manie bien l'univers et puis elle met des petites graines elle aussi. Et j'ai bien aimé, moi, elle revient un petit peu sur Velko qu'on reprend de la nouvelle précédente et elle développe un peu plus encore son passé avec cette fameuse hallucination. Ça, c'est intéressant aussi. Avon, je l'ai dit. Et puis voilà, puis oui, la scientifique Glenna Keep aussi, c'est pareil. C'est en lien à un personnage qu'elle avait elle-même créé. Tu l'as mentionné, Marc, son roman Spark of the Resistance, qui est sorti en français. Hein. C'est un roman post-logique Oui. aussi, qui présentait ce personnage déjà, donc qui se présentait à General Leia Organa, tout ça. Enfin, et là, elle la reprend des années après. C'est une Sanni, en fait, ce personnage. C'est une race un petit peu serpentine, mais sans être autant serpent que le Anaconda. Là, c'est une race genre humanoïde, mais avec des caractéristiques de serpent, donc avec une espèce de peau très colorée, avec des plumes sur la tête, et avec une bouche préhensible qui permet de bouffer ses victimes. Et c'est une race que Justin Harland reprendra plus tard aussi dans ses comics. Et elle créera le personnage de Deva Lompop, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans le canon. Deva Lompop, qui est une chasseuse de primes, qui pareil, fait des trucs de fou, qui a un design ultra stylé. Et c'est pour ça, voir cette race-là, là, ah, c'est quand même cool et tout. Donc ouais, non, au final. Pour résumer, oui, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être moins profond que les deux précédents. Ça vient peut-être du fait que le personnage de Velko a déjà été introduit auparavant et que là, voilà, il reprend juste des personnages connus. Mais au final, j'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé cette lecture aussi. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Marc? Mais le fait que, comme, tant que toi, tu as lu tout le Haute République, donc tu connaissais le personnage de Avon Staros, ça t'a enlevé tout suspense qu'elle ne pouvait pas être méchante. Ah oui, complètement. Ah oui, c'est vrai que Ouais, oui, moi quand tu aussi. connais pas, oui, tu te poses la question. Que ce soit Avon Donc, hein, Saros, tu parles ça de pourrait être. danger, c'est un bon personnage. Ouais. Tandis que tout le suspense est là. Elle vient faire me foutre le trouble avec sa plante. Et si tu le sais. Oui. C'est drôle parce que les quelques phrases qu'on dit sur elle, je trouve que ça la décrit bien. Tu sais, quand Velko a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? »« Ah, j'ai réussi à crocheter votre serrure. » On dirait que la Haute République a tout le même code. Ça, c'est vraiment du Avon Staros. Elle trouve tout le temps moyen de contourner les choses, mais de façon tout à fait naïve. De toute façon, « Mais non, il n'y en a pas de problème. J'ai rien fait de mal. » Ouais, C'est surtout vraiment... que ben, je sais pas si dans le Test of Courage on l'apprend, mais c'est un génie en fait. C'est un génie de la mécanique un Oui, peu à oui. l'Anakin. Donc ouais, des verrous, à mon avis, elle te les déverrouille en 2-2, quoi. Elle est Oh, très jeune, oui. mais très très douée. Ouais. Non, mais en fait, de mon côté, moi, c'est vraiment la fin qui me déçut. Sinon, j'ai trouvé ça bien de voir, même si on parle de deux nouvelles, c'est pas deux romans, mais qu'on voyait qu'il y avait quand même une certaine évolution au niveau de la personnalité de Velko. De soi, qu'elle a plus confiance en elle, à un tel point que c'est rendu que tout le monde pense que c'est elle qui gère tout. Là, si on veut, le monde se rapporte beaucoup à elle pour régler des problèmes sur le flambeau solaire. Donc, malgré elle a pris du galon sans le savoir, sans l'être officiellement. Fait que ça, là-dessus, j'ai trouvé ça bien. Encore une fois, beaucoup de variétés d'aliens. J'adore ça. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment très, très content, là. Très peu d'humains même, là. Fait que ça, pour ça, c'était très bien aussi. Mais c'est vraiment, comment je pourrais dire ça, c'est que comme tu as dit, Jean, tu avais vraiment l'impression qu'on allait assister, oh, quelqu'un qui a réussi à introduire les Drengear. Puis, non, c'est pas Et ça. non, non, C'est même décevant. Oui, la résolution est peut-être décevante, ouais, Ouais, effectivement. je Moi, ce trouvais que que ça faisait j'ai. un pétard mouillé. Moi, l'anticlimax que j'ai trouvé, c'est que, tu sais, oui, les Drengear, mais tu te dis, c'est une nouvelle de 11 pages. Ils vont-tu vraiment s'embarquer d'un Drengear dans une nouvelle de quelques pages? Effectivement, ouais. Moi, j'y croyais pas. J'ai pas cru parce que le Drengear, il faut du temps pour travailler ce personnage-là, là, parce Ouais. que avec tout le problème qui cause, je peux pas redescendre en 2 pages. C'est vrai. C'est ça que je savais pas qu'est-ce que ça allait être, mais ça pouvait pas être un Drengear. Alors, je sais pas pour toi, Jean, moi, j'y ai vraiment cru. Mais c'est vrai ce que tu dis, Oui, Marc. c'est vrai. Oui, non, c'est Plus complètement. j'en apprends chez Drenguet, plus je réalise en guillemets, la beauté de la complexité de ce personnage-là. Il est tellement intéressant, là, les Drenguet, là. Mais non, je ne m'étalerai pas là-dessus parce que ce n'est pas le but de la nouvelle, là, mais non, ça fait du sens ce que tu dis, Marc. Mais toi, Jean, y avais-tu cru, toi aussi? Moi, je Ben t'avoue, moi, j'y ai vraiment cru. je t'avoue que j'ai cru et j'ai pas du tout pensé. C'est vrai que ce que tu dis, Marc, ça fait sens. Mais oui. Après, vu que les nouvelles, moi, je ne suis pas très familier de ces nouvelles-là. Moi, c'est encore une fois, c'est les premières fois qu'on lisait ces nouvelles-là spécifiquement. Et je sais pas, peut-être que comme c'est une nouvelle séparée, enfin, en deux parties, est-ce que c'est peut-être une nouvelle qui aurait une suite plus tard? Je ne sais pas. Mais j'ai cru Audrey me Ouais, dire. Ouais. mais c'est vrai que si tu lis en direct sur Star Wars Insider, puis que c'est dans la première partie, tu sais pas combien de temps ça va durer, combien de pages tu vas avoir, quand tu sais que. Là, c'est parce qu'on a les pages, on sait que, tu sais, Oui, on sait quelle durée que effectivement. ça. Quand ça fait partie d'une première partie d'histoire, c'est tu n'as pas la notion du temps, c'est quand même autre chose. C'est vrai. Ça fait différent la lecture. D'autant que les Drengir, donc ça arrive, c'est le cliffhanger de fin de la première partie de la nouvelle. Donc tu t'imagines, tu lis l'Insider et tu arrives à la fin. Donc, donc Velko pense aux Drengir. Mais donc, et la deuxième partie, donc c'est dans le numéro suivant. Donc c'est quand même un bon cliffhanger, tu vois, que j'ai trouvé en fin de première partie. Mais c'est que ouais, la résolution est vite, vite fait balayer. C'est juste des souches de Drengir qu'une scientifique essaie de cultiver. Un peu de Mais sel. Mais ça, Jean, sans nous spoiler, là, la recherche, la découverte, je ne sais pas comment dire ça, l'expérience qu'elle a faite, la biologiste, ça va-tu nous mener à quelque part dans les romans BD ou. écoute, j'essaie d'y réfléchir et je pense pas. Hein. Il faudrait nous dire, hein, ceux qui se rappellent plus. Mais j'ai pas l'impression que des recherches sur comme ça, exploiter un petit peu les cellules des dames guerres, ça, non, je pense pas que ça. Non, non, non. Là, ils recherchent comment les annihiler, tu vois, en quelque sorte. Et puis d'autres trucs par la suite que je vais pas mentionner, mais non, des recherches, non, ça me dit rien. Hein. Ok, fait que c'est ok. Ça ajoute encore plus à ma déception, mais bon. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi à ce truc-là, quoi. Mais même Glenakip, hein, c'est un personnage que tu as là et qui n'apparaîtra pas plus que ça, quoi. Enfin, je me rappelle même plus dans quel roman elle apparaît. Elle est encore moins importante que Velko ou Josh et Pika, quoi. C'est vraiment un personnage. Je ne sais même plus qui c'était. Hein, c'est un personnage de le roman du Sénarland, c'est cool quand tu le découvres. Mais sur le moment, je suis là, ok. Donc c'est ok, c'est la même race que Devalon Pop. Mais c'est pas un personnage que tu connais plus que ça, quoi. Une autre chose que je trouvais bizarre, mais nous, on l'a lu, la traduction en français, c'est les Crowfuckers, hein, je ne me trompe pas, qui nous ont permis de lire ça. Puis je ne veux pas les blâmer, je suis tellement content qu'ils nous l'aient traduit. Mais comme tu disais, Jean, ça commence. Je pense qu'il y a un paragraphe ou deux. Puis là, ça nous marque la veille. Tu sais, on en revient en arrière. Mais je ne me souviens pas qu'ils nous ont ramenés au temps présent. Je ne sais pas si dans la traduction que c'est omis, mais encore là, je ne veux pas Ah blâmer oui, Crowfucker, je suis effectivement. tellement Non, content mais que. je pense Fait. qu'on passe à travers. OK, on part au travail, puis on en revient. Ouais, je pense, Dans ouais, le c'est texte. ça, t'as OK, raison, OK. Marc. OK, je vois. En fait, quand on revient à l'émeute principale, quand c'est Maru qui annonce à tout le monde, ah, l'émeute, on est revenu au présent, donc on imagine qu'il y a un petit temps qui se passe entre l'histoire de l'Ithorien et la Mani. Bah, c'était intéressant aussi d'avoir un Ithorien, un Amari. Alors, Ithorien, on sait un peu à quoi ça ressemble, mais un Amani. Amani, c'est une race où j'avais aucune idée. Si t'avais pas la, je sais pas si Claude aura la gentillesse de mettre l'illustration de la nouvelle où on voit à quoi ça ressemble un Amani. C'est une espèce d'alien énorme là, une espèce de plante plate là. C'est trop bizarre. Et c'est une race de l'épisode 4, ça, non, l'épisode 6, si je dis pas de bêtises. Dans la cantina Attends, de, dans la, dans le palais de Jabba, voilà. Dans le fond, là, t'as tu un piques ma Amani. curiosité. Ah, C'est une Manny, race, c'est sûr ouais. là, que. Ah, ben oui. Ouais, c'est un genre de Je sais pas. lézard sur deux pattes, je te dirais, avec Ouais. des bras très, très longs. Ah oui, t'as raison, c'est lézard parce qu'il donne un coup de queue dans la nouvelle, justement, à l'Ithorien. Ouais. Donc, ouais. Et qui se trouve être de grands scientifiques amis de longue date et tout. Que jamais ils auraient l'idée de frapper qui que ce soit. Non, c'est Mais ça, ouais, la manie, ouais. C'est la manie. c'est tout des intellectuels, là, pas que les intellectuels ne peuvent pas se battre, mais tu vois que, puis qu'ils n'ont pas un passé d'animosité non plus, fait que c'est pour ça que c'était bizarre qu'ils se battent, mais c'était bizarre qu'ils se battent entre eux autres, mais c'était bien présenté, c'était dû à une toxine qui s'était répandue dans l'air, puis qui disparaissait vite, hein, c'est ça qu'il dit, là, qu'il y a une durée Oui, de ah vie oui, c'est très vrai. très courte, là. Ouais. Ouais, c'est vraiment une petite aventure voilà, à bord de la station, sans réelles conséquences pour la suite, quoi. Si, voilà, là, t'en apprends un petit peu sur Velko, donc son flashback, c'est quand même intéressant de se remettre du temps de la guerre civile de Saïka. Et encore une fois, qui te tease le fait que, ah là là, une petite histoire, petit comics sur elle, ce serait intéressant quand même. Oui. Ça reste un super personnage. Avez-vous d'autres choses à rajouter avant qu'on passe autour de table pour la note? Non. C'est bon. Non? Marc, on te laisse commencer parce que dans ta sagesse, tu nous influences, donc on veut t'écouter en premier. Madame, comme vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi, donc moi je donne un 6,5. Tu sais, ça fait quand même la note de passage parce que c'est quand même bien écrit, là. Mais comme j'ai dit, j'ai pas vraiment trippé sur l'histoire, j'ai pas été intéressé, j'ai pas vraiment cru au Drangir non plus. C'était quand même un cliffhanger. Je savais pas c'était quoi le pourquoi toute l'histoire se passait, là, mais tu sais, après ça, OK, la petite plante, un petit peu de sel, fini. Ouais, C'était une petite histoire sympathique, mais pas plus que ça pour moi. ça fait un peu filaire de série, tu sais, l'épisode pas vraiment Exactement. important. Ouais. Alors que les deux autres, c'était plus des compléments, et même que sur celle de Cavan Scott, c'était carrément vraiment un ajout, quoi. Une Là, c'est histoire vraiment, en soi. voilà. Là, c'est vraiment plus un côté indispensable. Donc, ouais, bah, je serais pas aussi sévère que toi, mais. Ouais, je la mettrais pas au niveau des deux autres, mais quand même un bon 7,5, parce que au final, encore une fois, c'est une lecture qui m'a bien diverti. Mais moi, une fois plus, comme je le disais dans les deux podcasts précédents qu'on a fait sur les nouvelles littéraires, à chaque fois, vous avez influencé ma note. Vous l'avez encore influencé, mais à la baisse. Ah, merci. Non, mais je dis, non, mais pas négativement. Oui, c'est négatif pour juste une heure là, que je mette la note à la baisse, mais vous avez des éclaircissements, comme Marc expliquait que ça n'aurait pas pu être les Drangir, c'est vrai, c'était trop court pour qu'on s'embarque là-dedans. Puis toi, Jean, qui viens de dire, ben Jean-François, les expériences, tout ça, en fait, ça mène nulle part parce qu'on ne les voit pas ailleurs. Donc là, je Spoiler. suis là. OK, mais fait que pour ça, je donne un 6 sur 10. Tu sais, il y a des choses qui étaient intéressantes, mais je vois pas le but de la nouvelle terre, encore une fois. Là, c'est vraiment la fin, je pense, qui vient tout. La fin simpliste, j'insiste vraiment là-dessus, simpliste. Il y a un peu beaucoup gâché la sauce, là, ça. Écoute. Comme dit Marc, un pet de sel et puis poum, la Oui, c'est menace. ça. Et d'ailleurs, en lisant ça, je me suis dit, mais attends, du coup, j'essaie de me rappeler dans toute la République, est-ce qu'ils ont déjà essayé de battre les plantes justement avec du sel? Parce qu'on le sait, le sel, c'est pas très bon, hein, pour les plantes. Et donc les Drengir, vu que c'est des plantes, il y a le feu, mais il y a le sel aussi. Donc je n'ai pas développé une arme ou quelque chose à base de sel. Je crois pas que c'est exploité non plus. Hein. Non, c'est ça, tu On ne traîne pas nécessairement de tas de sel sur nous autres non plus, hein, en sais. pleine bataille, mais. C'est pas la première chose que tu sors de Ouais. tes poches. J'étais un peu déçu, Marc. Quand tu vas au combat, t'as pas une salière avec toi? Non, non. Pas Non. brillant, oui, mais parce que je fais de l'énergie, donc ça me fait fumer. Ça. Mais sel, non. Ben, c'est bon. Ben, avant de se diriger vers la fin, je vais aviser nos auditeurs que le prochain podcast, La Revue de la Haute République, va être fait sur le roman L'Orage gronde. J'espère bien retrouver mes deux comparses. Je vous avoue, j'ai commencé à m'attacher à vous, les gars. Là, je pensais jamais que Ah, ça arriverait, mais il y a c'est des liens gentil. d'attachement qui se sont faits envers vous deux, là. C'est réciproque, c'est réciproque. Donc, je vais laisser une fois de plus Jean dire aux gens où retrouver Star Wars en direct, là, sur quelles médias on peut les retrouver. Jean, la parole est à toi. Mais justement, là, tu vois, j'essaie de regarder parce que les deux fois d'avant, tu m'avais pris par surprise, alors que oui, effectivement, il faut le dire à chaque fois. Mais là, je suis carrément sur le site officiel Star Wars en direct, parce qu'il y a même un site, il n'y a pas que des réseaux sociaux. Vous pouvez OK. aller il y a tous nos épisodes qui sont diffusés dessus. Et il y a, voilà, la liste des réseaux sociaux. Donc là, je n'en oublierai aucun, au moins. Donc on est sur Discord, évidemment, X, Facebook, YouTube, avec la chaîne, avec où vous pouvez voir nos jolies cabines, et Instagram. Donc voilà. Non, en fait, non, même les deux émissions précédentes, on n'avait rien oublié. Hein. Évidemment, en podcast sur les applications de podcast habituelles, donc Apple Podcast, Spotify et autres. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et de notre côté, comme Marc me l'a dit, si ben Marc, je vais te laisser la présenter, nos réseaux sociaux, c'est Le lesquels? piège. Est-ce que je peux te laisser le faire ou je te prends trop par surprise? Donc, on est sur Facebook, Spotify, YouTube et Instagram. Un gros merci pour ça. Et je rassure nos auditeurs, ni Star Wars en direct, ni Star Wars Littérature Québec, sommes sur Truth Social. Faites-vous-en pas, on n'est pas là. Je vais en profiter, bien sûr, pour remercier Marc et Jean de m'avoir donné un coup de main dans la revue de la Haute République. C'est très Merci à toi. apprécié. Et une fois de plus, un très gros merci à Guillaume et Claude qui font le montage. C'est très apprécié ce que vous faites pour ça. Et sur ce, oh, j'allais oublier le fameux pouce. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire. On essaie de toujours vous répondre. On aime bien échanger avec vous. Oui. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous.